Chaque matin, la rage me sourit. Malikal. Rataliyad. Zalazaliyem. Mauvaise. C'est la rue qui m'a instruit. Zalazaliyem. Demande à la rue et la rue te dira. Trop. Boy bad. Comme d'hab, ça fait la brigade. Rien à foutre de tes règles. J'suis hors la loi et alors tant que j'paye. Comme d'hab, contrainte par corps. J'connais par cœur. Rien à foutre tant que j'paye. C'est ça. Viens me chercher, tu la souris toi le chat, je te dis viens me chercher. Un coup je suis là, un coup je suis là-bas, foncé sur un vieux son de Shabba. Ma Zalaza traîne sur l'asphalte depuis toujours, ça peut même devenir une marque sur ton pull. Et quand on marche, il recule, pendant qu'on marque nos buts, man. Quitte à s'enculer contre un mur, on avance nous. La tête contre la bite dure, ici ça sent la chemise dure. Je te rassure, c'est pas nous, c'est l'ordure, man. Malikal mort. Chaque matin, la rage me sourit, parfumée par un nuage de sensihiya. Khratalia détruit par cette rage qui en même temps me construit. C'est la rue qui m'a instruit. Tu veux savoir qui je suis? Demande à la rue et la rue te dira. C'est Eliem le malade. Et comme malade, je représente les boy bad. Comme d'hab, ça fait leur brigade. Ouais, ouais, c'est pour mes frères de la rue. C'est pour ma délinquance. Comme mon site insolite, comme mon rite anti-schmite dans ma crypte petite bite. Je récite le chant de ma rue et vite vite je fais mon chahut et place en salut à ceux qui triment, ceux qui crament. THC dans le crâne comme à mon crâne, je rame car je suis noyé dans la haram. Ça se plante dans le beat, ça se défonce à l'acide. Demande à Saïd ici, c'est trop morbide. Faut que ce bise perdure, je me sens hyper sûr. Face au MC perdu, les necs picolent l'art du vol. Casser ma pègre, casser les lèvres en gros, glacer les herbes. Si c'est pour une sève représentant, fils. Ma Zalaza, Eliem depuis l'enfance, fils. Spliff 10 glisse sur le mix, fils. Zalaza, Eliem, fils. Chaque matin, la rage me sourit, parfumée par un nuage de sensihiya. Khratalia détruit par cette rage qui en même temps me construit. C'est la rue qui m'a instruit. Tu veux savoir qui je suis? Demande à la rue et la rue te dira. C'est Eliem le malade. Et comme malade, je représente les boy bad. Comme d'hab, ça fait ouais. Leur brigade. C'est simple, ici on veut tous ouvrir son bar à ta imp. Si, si, mais le problème c'est que personne veut que tu grimpes. Leur dis, dis-leur qu'on s'en bat les couilles. Qu'on vit grâce à la débrouille, les grosses douilles en cas de fouille. Par la douane volante, collante, qui en a après ma peu gluante, ma peu violente. On assume ce qu'il y a dans le coffre, comme ce frère de coffre. Et si on coffre, on ne m'offre qu'un séjour avec mes proches. C'est hot, comme le boule de Beyoncé. Hot, comme la mort d'ODBC. Hot, comme ce frère qui se met à balancer. C'est pot, comme ce beurre qui vote le FN. Chat, j'ai plus capote pour baiser l'état sur le capot d'une Laguna. Écoute, Aguna, le Hukuma nous fait la hagra. Depuis qu'on est petit, oui, mon ami, la nuit, on se venge, mon ennemi. Chaque matin, la rage me sourit, parfumée par un nuage de sensihiya. Khratalia détruit par cette rage qui en même temps me construit. C'est la rue qui m'a instruit. Tu veux savoir qui je suis? Demande à la rue et la rue te dira. C'est Eliem le malade. Et comme malade, je représente les boy bad. Comme d'hab, ça fait leur brigade.